à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, nouveau et dernier volet de notre série d'émissions dédiée au forum Anime-toi, un chemin vers l'emploi, piloté par le CCAS d'Amboise, forum qui s'est déroulé le 24 septembre dernier au Théâtre Beaumarchais, afin d'apporter des outils aux demandeurs d'emploi du territoire. Aujourd'hui, dans ce numéro, on va parler d'un site de rencontre appelé Job to Rennes. Alors ne vous y trompez pas, vous n'y trouverez pas votre future compagne ou compagnon, mais en revanche, vous aurez toutes les chances d'y trouver les offres d'emploi qui vous correspondent à la perfection. On écoute Séverine Billou, chargée de relations entreprises pour Job to Rennes. Nous sommes à présent en compagnie de Séverine Billou. Séverine est chargée de relations en entreprise pour l'association Job to Rennes, un outil développé par le conseil départemental d'Indre-et-Loire depuis 2017, avec le concours de l'État. Alors, quelles sont les missions, Séverine? Tout d'abord, bonjour Séverine. Bonjour. Quelles sont les missions de Job to Rennes? Alors, Job to Rennes, à l'origine, c'est un choix politique qui a été fait. Donc, comme vous l'avez dit, en 2017, afin de donner un outil aux bénéficiaires du RSA pour le retour à l'emploi. La plateforme est malgré tout ouverte à tout public, c'est-à-dire aussi bien bénéficiaires du RSA que demandeurs d'emploi, chercheurs d'emploi. Alors, vous avez une plaquette qui est marrante, puisqu'en fait, on voit que c'est un site de rencontre pour l'emploi, une porte d'entrée vers l'emploi en Touraine. Ça fonctionne comment? C'est-à-dire que c'est un site internet? Oui, c'est un site internet hébergé par Hello Work, donc, qui est une grosse plateforme nationale pour l'emploi. Et vous mettez votre CV en ligne, il y a un algorithme qui va vous proposer les offres d'emploi en adéquation avec vos compétences et vos expériences. Fabuleux, d'où le site de rencontre en fait. Exactement. On y met les critères et on cherche l'âme sœur professionnelle. Exactement, c'est tout à fabuleux. Fait ça. En quoi vous êtes complémentaire avec France Travail qui propose aussi de mettre en adéquation le demandeur avec l'employeur? Eh bien, nous sommes un outil départemental déjà, à la base. Nous avons comme compétence au sein du département le social. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est avant tout un outil qui a été créé pour permettre aux bénéficiaires du RSA d'avoir un outil pour créer leur CV, rencontrer des recruteurs. Et puis également, on a aussi un onglet qui permet de voir tous les événements emploi du département qui vont se dérouler pour avoir un agenda bien complet pour que les personnes puissent se diriger vers les recruteurs qui seront présents. Notre mission est complémentaire à France Travail dans la mesure où on sait qu'actuellement, quand vous faites une recherche de travail, vous avez besoin de plusieurs pistes. Et donc, on propose aux candidats d'aller sur Job to Rennes en même temps que sur France Travail ou vers les boîtes d'intérim. C'est toujours un plus. Il faut savoir que sur Job to Rennes, on agrège les offres de France Travail en plus des offres de Job to Rennes. On agrège France Travail, on agrège Hello Work, on agrège le CDG 37, les offres de la Sécu. En fin de compte, on essaye d'être le portail des offres du département. Donc, comment ça se passe pour l'inscription? On prend son téléphone ou son ordinateur, on va dans le moteur de recherche, on met Job to Rennes. Généralement, il est bien au-dessus. Sinon, on tape www.jobtorennes.fr et puis on va sur le site. On s'inscrit, c'est très rapide, hein. C'est très intuitif. On met son CV en ligne ou on le crée si on n'en a pas. Et là, l'algorithme va vous proposer les offres. Super, et quand on n'a pas de CV, vous avez un outil qui permet d'en réaliser exactement. Un visible en quelques secondes. Exactement, il se fait automatiquement, il s'auto-complète. Vous mettez votre nom et vous voyez votre CV qui se construit en même temps que vous mettez les informations vous concernant. Vous avez une idée du nombre d'inscrits actuellement à peu près? On a à peu près 7000 candidats actuellement. Super. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez un retour sur les offres, Séverine? Alors, 45% des offres déposées sur Job to Rennes obtiennent au moins une candidature. C'est super. Ouais, on est assez satisfait du taux de retour du site. Bah, très bien, on voit toute l'efficacité. Et vous êtes implanté où? Alors, on est au Champ Giraud, à Tours. Nos bureaux ne sont pas ouverts au public. Par contre, on est présent sur tout le département. Dès qu'il y a une manifestation, un événement emploi, on essaie d'y être présent pour présenter la plateforme aux personnes qui ne la connaissent pas, rencontrer les recruteurs pour être au plus près d'eux, pour les aider dans leur recherche de candidats. Très bien. Eh bien, Séverine Billou, chargée de relations en entreprise, on vous remercie de nous avoir présenté cet outil Job to Rennes. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, à vous inscrire sur ce site de rencontre pour l'emploi qui vous mettra en adéquation avec les employeurs potentiels qui seront susceptibles, pourquoi pas, de vous proposer CDD, CDI, parce que là, on parle vraiment de tout type de contrat. Exactement. Il y a même des jobs saisonniers pour l'été, il y a des postes en apprentissage. On a vraiment essayé de proposer un éventail large et diversifié des contrats de travail. Puis c'est vrai qu'à cette époque-ci, c'est important, vous soulignez l'apprentissage, mais on a encore des jeunes qui sont en recherche. Tout à fait. C'est vraiment justement la période pour ça, voilà. Mmh. Donc, très important d'aller s'inscrire sur le site de jobtouraine.fr. Merci à beaucoup. Vous. Merci.